comment je suis venu à Marseille, comment je suis arrivé, moi qui ne connaissais pas la mer. Oui, c'est vrai. Un jour, mon père étant décédé, je ne l'ai jamais connu d'ailleurs, il n'était pas question pour moi de faire le luthier, alors que ma mère n'était pas toujours d'accord à ce sujet. Donc il était prévu un jour que mon oncle, le frère de mon père, qui était luthier à Dijon et qui n'avait pas de successeur dans la lutherie, m'avait demandé de faire l'apprentissage de luthier et de devenir son successeur dans le futur. Donc, j'ai réfléchi et j'ai pensé à un moment donné qu'il était préférable d'abandonner le métier pour lequel je vais commencer à faire le saut de ruisseau dans une banque. J'ai pensé que la situation était favorable pour moi d'apprendre la lutherie, étant donné que des spécialistes de la lutherie avaient tous été décimés pendant la guerre de 14.